السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المنان، وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. Chers auditeurs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala affirmés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Al-Mannan. Il y a Al-Mannan. L'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala et autres que lui, il rapporte selon Anas ibn Malik radiallahu an. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme dire: ô Allah, je te demande, car c'est à toi qu'appartient toute la louange. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi, seul, et tu n'as pas d'associé. Seul et tu n'as pas d'associé. Al-Mannan, tu es le grand dispenseur de grâce, le grand donateur. Al-Mannan. Badi'u samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple, semblable au préalable. Dhul jalali wal ikram, plein de majesté et de noblesse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu as certes demandé Allah par son nom le plus immense, ou son nom suprême, celui par lequel il exauce quand on l'invoque et il donne quand on lui demande. Al-Mannan huwa kathiru al-ata'i, azimu al-mawahib, wasi'u al-ihsan. الذي يدر العطاء على عباده ويوالي النعمة عليهم تفضلا منه وإكراما ولا منان على الإطلاق إلا الله وحده الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال له المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه تعالى الله علوا كبيرا وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وسعة رحمته وبره ولطفه. L'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit: Al-Mannan est celui qui donne énormément. Et celui qui donne énormément. Et qui fait don de nombreuses faveurs. Celui qui gratifie par ses vastes faveurs, déverse ses dons sur ses serviteurs et leur donne sans compter. Al-Mannan signifie donc celui qui donne avec abondance, celui qui donne énormément et qui accorde de nombreuses faveurs et dispense ses nombreuses grâces, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit également: ses bienfaits sont déversés sur ses serviteurs de par sa grâce et sa générosité. Il leur donne après leur avoir donné et leur donne à nouveau. Nul n'est manan de manière absolue si ce n'est Allah seul. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui dispense ses grâces et ses faveurs avant même qu'on les lui demande. Avant même qu'on les lui demande. C'est-à-dire qu'il commence par donner et combler ses serviteurs à travers ses dons, avant même que ses serviteurs l'invoquent pour lui réclamer cela, pour lui demander cela. Ses serviteurs lui sont redevables. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et mentionne sur nous ses bienfaits. Et nul parmi les serviteurs ne peut faire cela. Nul n'a de mérite. Nul n'a de mérite sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grâce tout entière appartient à Allah. Et nous le sommes donc nous. Nous sommes donc nous envers lui redevables. Élevé soit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose de laquelle l'ensemble des serviteurs témoigne, que ce soit la personne pieuse et vertueuse, ou que ce soit la personne perverse et ou impie. L'ensemble des serviteurs témoigne de l'abondance des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses grandes grâces et donations. La générosité d'Allah, les bienfaits d'Allah, la vasteté de sa miséricorde, sa bienfaisance, sa douceur, sa bonté, sa générosité envers nous, toutes les créatures en témoignent. Toutes les créatures en témoignent. Puis l'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم آياديه وجميل صنائعه وسعة رحمته وبره ولطفه وإجابة لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفي تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغ الآمال ما لا تبلغه الآمال. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses grandes donations et ses faveurs ainsi que ses grâces sur nous, le fait qu'il réponde aux invocations de ceux qui sont dans la grande difficulté. Il dissipe le malheur des affligés, apporte son secours à ceux qui sont dans l'anxiété. C'est lui qui repousse les épreuves et les fléaux, malgré que les conditions soient réunies. C'est-à-dire que le serviteur fait des choses qui lui amènent les épreuves, qui lui amènent les difficultés, qui lui amènent le malheur. Malgré ça, Allah tabaraka wa ta'ala repousse ces épreuves-là de ses serviteurs ou de certains de ses serviteurs. Et lorsque ça arrive, c'est lui qui les dissipe. Lorsque ça arrive, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les dissipe. Nous voyons la douceur et la mansuétude d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. À un point tel que le serviteur n'espérait même pas atteindre cela. La grâce d'Allah Azza wa Jal atteint des degrés insoupçonnables. Wa min azimi manni subhanahu hidayatu khawas ibadi ila sabili dari salam wa mudafa'atuhu anhum ahsana ad-difa' wa himayatuhum min al-wuqu' fi al-atham وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم وذكرهم قبل أن يذكروه وأعطاهم قبل أن يسألوه. تعرف إليهم بأسمائه وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح، ووصفهم بأكمل الوصايا، ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات، وضرب لهم الأمثال، وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه. القائل سبحانه: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والقائل جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. الأوتار حفظه الله تعالى nous dit: et parmi ces dons les plus sublimes, les plus immenses qu'il nous mentionne, le fait qu'il ait guidé ses serviteurs proches au chemin ou à la demeure de la paix, Dar as-Salam, qui est également le paradis. Parmi ces énormes dons qu'il mentionne, le fait qu'ils prennent leur défense, et cela de la meilleure manière. Il les protège et les place à l'abri de tomber dans les péchés. Il les préserve et les protège afin qu'ils ne chutent pas, ils ne tombent pas dans les péchés. Il leur a fait aimer la foi et l'a embellie dans leur cœur, tout comme il leur a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Et les place parmi les gens de la droiture. Il a inscrit dans leur cœur la foi. Il les a aidés par un esprit émanant de lui. Il les a appelés musulmans avant même de les créer. Il les a mentionnés avant même qu'il l'évoque ou le mentionne. Il leur donne avant qu'ils ne se demandent. Il s'est fait connaître à eux à travers ses noms. Donc Allah Azza wa Jal leur donne avant même qu'ils lui demandent. Il s'est fait connaître à eux par ses noms. Et leur a donné des ordres par miséricorde et pitié envers eux. Par miséricorde, par pitié et bienfaisance envers eux. Non pas parce qu'il a besoin d'eux. Il leur a interdit des choses pour les préserver et les sauvegarder. Non pas par avarice envers eux. Il s'est adressé à eux dans les termes les plus tendres et les plus doux. Il les a conseillés en leur prodiguant les meilleures recommandations. Il leur a enjoint les plus belles pratiques et leur a défendu de prononcer les paroles les plus viles ou les plus mauvaises, ainsi que de commettre les actes les plus vils. Il leur montre les signes et leur cite les paraboles, leur ouvre les voies qui leur permettent de le connaître, ainsi que les portes de la bonne direction ou de la guider. il leur a fait connaître les causes qui leur permettront ainsi de se rapprocher de son agrément et de s'éloigner de son courroux et sa colère, ainsi que tout autre type de faveur et de bienfait qu'il leur accorde. Il est celui, exempt soit-il, qui nous mentionne dans le Coran, dans Sourate An-Nahl, « Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha » Et si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Vous ne saurez pas les dénombrer. Il n'est pas possible, il n'est pas dans la capacité du fils de Adam et de qui que ce soit d'autre d'énumérer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et il est celui qui nous dit dans un autre verset de sourate An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Allahu Akbar. Il n'y a pas un bienfait qui nous touche, qu'on le connaisse ou qu'on l'ignore, sans que cela ne provienne d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Par excellence, c'est Al-Mannan. وَمَنْ أَرَادَ مُطَالَعَةَ أُصُولِ الْمِنَنِ فَلْيُدِيمْ صَرْحَ النَّظَرِ فِي رِيَاضِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة ومننه الجزيلة. L'auteur, حفظه الله تعالى, nous dit, est celui qui souhaite observer les origines des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il promène son regard dans les jardin, dans le jardin du noble Coran, et qu'il observe et médite ce qu'Allah a énuméré comme don, comme bienfait et comme noble grâce. Il faut regarder le Coran, il faut lire le Coran, méditer. Et en lisant le Coran, on verra de nombreuses grâces et donation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Particulièrement dans Sourate An-Nahl, qui est surnommée la Sourah des bienfaits. Car Allah Azza wa Jal en énumère beaucoup. Car Allah Azza wa Jal en énumère beaucoup des pages dures. وَقَدْ ذَكَّرَ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِمِنَّةِ الْهِدَايَةِ لِهَادَ الدِّينِ والإخراج من ظلمات الشرك والكفر برب العالمين. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à ses serviteurs le grand bienfait de la guider à cette religion et de les avoir fait sortir des ténèbres du polythéisme et de la mécréance au Seigneur des mondes. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلام لست مؤمنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Un des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous cite en minna dans le Coran, nous rappelle sa grâce et sa faveur, c'est le bienfait de la guider à l'islam. le bienfait de la guider à la religion d'Allah, la seule religion qu'Allah agrée, le seul moyen de se rapprocher de lui, de s'éloigner de l'enfer, d'obtenir le bonheur réel et complet dans ce bas monde, dans la tombe ainsi que dans l'au-delà. La clé du paradis et de la demeure de la félicité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Nisa, sous la traduction des sens de ce verset, « Ô les croyants, lorsque vous sortez dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butins. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa minna, sa grâce. Faman Allah, alaykum. Puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous rappelle le grand don qu'il nous a accordé en nous guidant à l'islam. Donc un des plus grands dons, une des plus grandes faveurs, la plus grande faveur, c'est la guider à l'islam. C'est la guider à l'islam. Dans Surat al-Hujurat, selon la traduction des sens de ce verset, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi si toutefois vous êtes véridique. Si toutefois vous êtes véridique. Dans un autre verset de Surat al-Hujurat, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en fait une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Allah est omniscient et sage. On a également dans Sourate An-Nur, or sans la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'atteindrait l'état de pureté. Mais Allah purifie qui il veut. Sans la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, personne parmi vous aurait pu être purifié. Mais Allah purifie qui il veut. En Surat An-Nur. وذكر سبحانه بمنة بعث الرسول أو الرسل عليهم الصلاة والسلام وإكرمه هذه الأمة ببعثة صفوة رسله وخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. الله nous rappelle la grande grâce qu'il accorda au peuple de par l'envoi des messagers. Et ô combien il a honoré cette communauté par l'envoi de l'élite, par l'envoi du meilleur des prophètes et messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'élite des messagers d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجُتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ وَقَالَ تَعَالَى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dans Surat An-Nahl, le verset 36 qu'on mentionne souvent, nous vous avons envoyé dans chaque communauté, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, éloignez-vous du ta'ut, ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans Sourate Fatir, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. C'est-à-dire dans chaque communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé un avertisseur. Dans Sourate Ali Imran, Allah vous a certes fait don d'une grâce. Où Allah a certes fait don d'une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya auprès d'eux un messager issu des leurs. Il leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc Allah Azza wa Jalla nous mentionne cette grande minna, ce grand don, cette grande faveur qui est l'envoi des messagers dans les peuples. Et le meilleur d'entre eux est celui qui nous a été envoyé à nous, la communauté de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À un moment où les gens étaient plongés dans les ténèbres, dans l'égarement, à un moment où il y avait eu un long, yani une très grande période entre Isa alayhi salam et l'état et la situation des gens. Ce noble prophète et messager est issu des leurs, donc ils le connaissent, ils connaissent sa lignée, sa véracité. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec le message de l'islam. La ilaha illallah. Il a ordonné aux gens de délaisser l'adoration des fausses divinités et de ce sur quoi étaient leurs parents, comme égarement, comme polythéisme. Et leur a dit de suivre la ilaha illallah, la voix de tous les prophètes et messagers avant lui. Adorer Allah d'un culte sincère. Il nous a fait sortir de tous les mauvais comportements vers les nobles caractères, de tous les défauts vers les qualités, de la division vers l'union, du polythéisme vers le monothéisme, du kufr vers l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est la plus grande grâce qu'il nous faut nous rappeler, mentionner, pour laquelle il faut remercier Allah et l'adorer seul d'un culte sincère. وذكر سبحانه منة التمكين لأنبيائه عليهم السلام لعباد المؤمنين قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Parmi les grandes grâces et les grandes donations qu'Allah Azza wa Jal mentionne à ses serviteurs et cite en faveur sur eux, le fait qu'il a comblé ses prophètes en leur donnant le dessus. Il mentionne cette grâce aux croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala a élevé ses prophètes et leur a donné la victoire sur les autres. Ben Allah Azza wa Jal mentionne cette grande faveur aux croyants. Tout comme il nous cite cela dans le Coran, dans Suratou, As-Saffat, wa laqad mananna ala Moussa wa Haroun. Et nous accordâmes certes à Moussa et Haroun des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse. Et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs. Et nous leur apportâmes le livre explicite et les guidâmes vers le droit chemin. Dans Sourate Al-Qasas, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoute. وذكر بمنتي على عبادي المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار واستشعارهم لهذه المنة العظيمة والفضل الكبير. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى remémore également à ses serviteurs croyants cette grande grâce qu'il leur accorde en les introduisant au paradis. Allah Azza wa Jal rappelle cette grande faveur, cette grande grâce à ses serviteurs croyants du fait qu'il les fasse entrer au paradis et les sauve de l'enfer. Il leur fait prendre conscience de cette énorme faveur. Allah Azza wa Jal veut qu'on s'aperçoive, veut qu'on reconnaisse, qu'on ressente l'étendue de cette faveur, la grande valeur de ce don et de cette grâce. Ainsi, dans Sourate At-Tur, il nous dit, Tabaraka wa ta'ala, sur la traduction des sens de ce verset, ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum. Avant cela, nous l'invoquions. Antérieurement, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Dans Sourate Al-A'raf, et ils diront, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui nous a guidés à cela, et nous ne pouvions être guidés, si ce n'est en recevant la guidée d'Allah. Certes, les messagers sont venus de la part de notre Seigneur avec la vérité. Et on les appellera et on leur dira, voici le paradis que vous avez hérité pour ce que vous faisiez. Donc Allah Azza wa Jal mentionne cette grande grâce, le fait qu'il fera entrer les croyants au paradis. Et il nous mentionne tout cela afin qu'on reconnaisse que c'est Al-Mannan, que c'est celui qui dispense avec largesse ses grâces, nous les énumère, nous les rappelle, Tabaraka wa ta'ala. ومن عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأن وحده ولي المنن أو المن والعطاء صاحب الهبة والنعماء أوجب له ذلك يحمد ربه على نعمائه وأن يشكره على فضله وعطائه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده وأثنى على عباده الشاكرين ووعدهم بأحسن الجزاء وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء حارسا وحافظا لهبة والنعماء وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله ومنته سبحانه في معصيته وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده وهو الله لا شريك له خلاف من قال الله عنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أي بإضافة من النعمة إلى غير المنعم. Celui qui reconnaît son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce nom sublime, et qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est l'unique détenteur des dons, l'unique maître et détenteur des dons, des bienfaits, des faveurs et des grâces. Sera forcément conduit à proclamer sa louange et faire ses éloges. Sera forcément conduit, ou se devra forcément, de louer son Seigneur pour ses grâces et ses dons. Il se devra d'être reconnaissant envers, et ni pour ses faveurs et ses dons. L'auteur nous dit, celui qui reconnaît qu'Allah c'est le Mannan, donc, de lui vient tous les dons, toutes les grâces et les faveurs. Forcément, il va le louer. Forcément, il se devra, il a l'obligation de faire suivre cette connaissance, de cette adoration, de cette reconnaissance. En disant, Alhamdulillah, ceci me parvient d'Allah. Alhamdulillah, c'est grâce à Allah que j'ai eu cela, seul, sans associé. Il devra faire les éloges d'Allah Azza wa Jal, reconnaître que ça lui provient d'Allah, faire ses éloges. Et Allah Azza wa Jal nous montre cela dans Suratou Al-Ahqaf à travers ce verset. Il dit, ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait que tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être reconnaissant et nous a interdit son contraire, c'est-à-dire l'ingratitude. Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ses serviteurs reconnaissants et leur a promis de nobles récompenses. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre même que celui qui est reconnaissant aura accompli la cause qui lui vaudra l'augmentation de ses bienfaits. Celui qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jal lui ajoute de ses bienfaits. Allah Azza wa Jal lui ajoute de ses dons, de ses grâces. Et ajoutons-nous à cette connaissance une autre connaissance, qui est que la reconnaissance, en plus d'augmenter les bienfaits qu'Allah te donne, il te protège ce qu'il t'a déjà donné. Ainsi, les savants disaient que la reconnaissance, c'est une protection et gage d'augmentation. C'est-à-dire, en étant reconnaissant envers Allah, Allah Azza wa Jal va préserver ce qu'il t'a déjà donné. Et en plus de cela, il va t'augmenter de ses dons, de ses grâces et faveurs. Tabaraka wa ta'ala shakur. Et nous avons dans Suratou Ibrahim un verset qu'on mentionne souvent dans les cours. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai, c'est-à-dire mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, inna adhab ila shadid, mon châtiment sera terrible. Mon châtiment sera terrible. Contrairement, donc il nous faut reconnaître le bienfait d'Allah, il nous faut le louer pour cela, il nous faut l'aimer pour cela, faire ses éloges pour cela. Et il faut utiliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'il agré et permet. Et nous avons l'interdiction de les utiliser pour lui désobéir. Comment utiliser le bienfait du donateur, du Mannan, pour désobéir au Mannan, subhanallah. C'est pour cela qu'il fut dit parmi les pires serviteurs d'Allah, ceux qui désobéissent à Allah en utilisant les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc nous n'avons pas le droit de prendre ces bienfaits pour lui désobéir. Tabaraka wa ta'ala. Et parmi les fautes graves, le fait d'annexer le bienfait à autre qu'Allah Azza wa Jal al-Mannan. Le fait de dire grâce à un tel j'ai eu cela. Sans un tel je n'aurais jamais eu cela. Subhanallah, on oublie Allah. C'est Allah qui a créé ce bienfait. C'est Allah qui a créé cette personne. C'est Allah qui a mis dans son cœur l'envie de faire ce bien-là. Sans Allah, nous ne sommes rien. Sans Allah, nous ne pouvons rien faire. Sans Allah, nous ne recevons rien. Sans Allah, Azza wa Jal, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange, de transaction, de bienfaisance, d'entraide entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Donc la grâce, en réalité, elle revient à qui? Elle revient à Allah, celui qui a créé le bienfait, celui qui l'a mis dans la main du riche, celui qui a guidé le cœur du riche à l'empathie, à la pitié envers le pauvre, celui qui a guidé ces gens-là afin qu'ils s'entraident pour aider les gens qui sont dans le besoin et les familles nécessiteuses. En aucun cas la minna leur revient. La faveur leur revient. La faveur n'appartient qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, de manière absolue. Elle n'appartient qu'à Allah. Il n'appartient pas à un bienfaiteur de penser que c'est grâce à lui que la famille nécessiteuse se retrouve ou se voit à l'abri du besoin. Non. Mais il doit plutôt remercier Allah, celui qui l'a utilisé dans le bien. Et savoir que la hawla wa la quwwata illa billah. Nul n'a la capacité de passer d'un état à un autre et la force pour le faire, si ce n'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne doit pas être à l'image de ce qu'Allah azza wa jalla a blâmé dans le Coran lorsqu'il dit يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont الكافرون. Comment ça, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient? Ils le renient en l'attribuant à un autre qu'Allah Azza wa Jal, en disant, sans un tel, on n'aurait jamais réussi. Sans un tel, sans ce contact, on n'aurait jamais eu cela. Sans toi, j'aurais jamais pu faire ça. Je compte sur toi, et ce genre de paroles, non. Mais c'est plutôt grâce à Allah Azza wa Jal. Comme diront les gens du paradis, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. C'est cela qu'il convient de dire. Et ils diront, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Sans lui, nous n'aurions jamais pu accéder à cela. Voici le discours du monothéiste. Voici le discours du monothéiste, de celui qui connaît Allah, qui a étudié sa religion. La grâce et la faveur tout entière appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui le détenteur de l'énorme grâce. Celui qui donne et nous mentionne ce qu'il nous a donné. Il se fait aimer de nous, tabaraka wa ta'ala, en mentionnant ses bienfaits. Et il nous montre notre besoin devant lui. On ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comment après cela on pourrait dire à la créature, je compte sur toi? Ou j'ai confiance en moi? Subhanallah, il faut abandonner son affaire à Allah et compter que sur Allah, tabaraka wa ta'ala. Compter que sur Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas tomber dans l'ingratitude et dire, sans un tel, je n'aurais jamais eu ça. Et grâce à eux, uniquement, j'ai pu avoir cela. Non, les gens sont des causes et il convient de leur donner leur témoigner notre reconnaissance, les remercier, mais notre cœur doit se diriger que vers Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême en étant ingrat envers les gens. Non, on leur reconnaît leur mérite, nous leur reconnaissons leurs efforts, nous les félicitons, nous les encourageons pour cela, on invoque Allah en leur faveur et ainsi de suite. Mais la grâce tout entière revient de droit à qui? À Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wa salam nous apprend le juste milieu dans ce sujet. Il nous dit « Man sana alaykum ma'roufan fakafi'u. » Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. La personne t'a rendu un service, elle t'a fait un bien, elle t'a aidé, dédommage-la avec de l'argent ou bien avec un cadeau ou avec un don. Si vous ne trouvez pas ce avec quoi vous allez pouvoir le dédommager, invoquez Allah en sa faveur. Jusqu'à ce que vous pensiez être arrivé au niveau que vous l'avez dédommagé. Et le roi sallam dit la meilleure dua dans ce cas de figure. Il nous dit, celui qui dit à celui qui lui a fait du bien, il aura fait certes réellement ses éloges. Donc si on ne trouve pas de quoi donner à la personne, on fait dua pour elle, jusqu'à penser jusqu'à être arrivé au niveau où on pense qu'on l'a dédommagé. Et cela comporte une grande subtilité mentionnée par les savants. C'est de ne jamais assujettir son cœur à la créature qui nous a donné, qu'Allah a utilisé pour nous faire parvenir un bienfait. C'est-à-dire qu'en dédommageant celui qui t'a donné, en donnant à ton tour, ou en faisant vraiment beaucoup de rapport pour cette personne, ton cœur va sortir de se sentir redevable. Il va sortir de cette sphère qui pourrait le mettre dans une situation d'infériorité et qui pourrait le faire se sentir redevable face à la créature. Ainsi, pour parfaire son tawhid, pour que le cœur ne soit lié qu'à son Seigneur et dirigé toujours et encore et toujours vers Allah Azza wa Jal uniquement, ben tu dédommages la personne et tu invoques en sa faveur. Tu dédommages la personne et invoques en sa faveur. Fallahumma lakal hamdu shukran wa lakal mannu fadlan wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil quran wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ربنا إذا رضيت. Puis l'auteur finit, حفظه الله تعالى, الشيخ عبد الرزاق, en invoquant Allah Azza wa Jal et en attestant que toutes les louanges lui reviennent de droit, et qu'il témoigne envers lui sa reconnaissance, et qu'il atteste que toutes les grâces émanent de lui, ainsi que les faveurs, qu'on lui témoigne l'ensemble des louanges du fait qu'il nous a accordé l'islam, nous le louons du fait qu'il nous a accordé la foi, nous le louons du fait qu'il a révélé le Coran, nous le louons du fait qu'il nous a donné épouse, argent et santé. Nous le louons pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le présent, que ce soit en caché ou apparent, que ce soit propre à nous ou plus général. Nous le louons avec abondance, des louanges abondantes, bonnes et bénies. Nous le louons jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et nous le louons dès lors qu'il se montre satisfait. Et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Pour finir, un point important. Nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Mannan. Donc on ne doit pas, nous les faibles serviteurs, avoir ce défaut qu'est le fait de mentionner sa minna sur son frère, sur sa sœur, sur autrui. Et sachez que cela fait même partie des grands péchés. Le fait de dire « moi je t'ai fait ça et moi je t'ai donné ça », en montrant cette supériorité et montrant la dépendance de l'autre face à nous, en énumérant nos faveurs, en énumérant ce qu'on a pu faire pour le serviteur, ceci est blâmable. Ceci est un mauvais comportement, vil et blâmable. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, l'a même cité dans son livre Al-Kaba'ir, les grands péchés. Le 40e grand péché, il mentionne cela. Et il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est effrayant, dont les termes sont effrayants, et ça vise à nous effrayer afin qu'on ne tombe pas dans ce péché gravissime. Ce hadith est le hadith de Abu Dharr, radiallahu anhu. De Abu Dharr, radiallahu anhu. Il nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Thalathun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. » وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. » Abu Dhar radiallahu anhu l'ont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. Et ils ont un châtiment douloureux. Il répéta cela à trois reprises. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadha thalatha. Faqala thalatha. Ou qala hadha thalatha mirar. قال أبو ذر خاب وخسروا منهم يا رسول الله. أبو ذر ayant entendu cela, s'est exclamé. Ils ont péri et perdu au messager d'Allah. Mais qui sont-ils? قال صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة أو بالحلف الكاذب. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les mentionne afin de conseiller sa communauté et de l'avertir. Al-musbil, c'est-à-dire l'homme qui laisse descendre ses vêtements sous les chevilles. L'homme qui laisse descendre ses vêtements sous ses chevilles. Wal-mannan, celui qui donne et qui mentionne ses faveurs aux autres. Il donne et il dit, je t'ai fait ça, je t'ai donné ça, et tel jour je t'ai fait ça, et moi je t'ai fait ça. وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَذِبِ. Et celui qui écoule sa marchandise à vendre, en jurant, en mentant. En jurant tout en mentant. Donc il vend sa marchandise, il dit, Wallah, je l'ai acheté à temps et je te l'ai fait à temps. Wallahi, c'est de telle qualité supérieure. Wallahi, c'est de telle marque. Wallahi, c'est original. Wallahi, je l'ai acheté dans tel endroit. Il jure par Allah en mentant pour vendre sa marchandise. Donc, c'est gravissime. Al-imtinan, le fait de mentionner ses faveurs aux autres quand on leur a fait du bien, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Le grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala commente le hadith et dit الذي يمن بما أعطى إذا أحسن إلى أحد بشيء. الذي يمن بما أعطى إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن علي فعلت بك كذا وفعلت بك هذا. Donc, Al-Mannan parmi les gens est celui qui, lorsqu'il donne quelque chose à une personne ou lui fait du bien, il se met à énumérer sur lui ses faveurs. Et je t'ai fait telle chose et je t'ai donné telle chose. Cela fait partie des grands péchés. وَهُوَ مُبْتِلٌ لِلْأَعْمَالِ. Donc, en plus du fait que ce soit un grand péché, ça annule la bonne œuvre de ce serviteur. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Lorsque tu fais un bien à une personne et que tu dépenses pour elle, ne dis pas, tel jour je t'ai fait ça et moi je t'ai fait ça et moi je t'ai fait ça. Subhanallah, c'est un péché gravissime. Tu ne gagnes rien à faire cela. Tu tentes de soigner ton âme, pécheresse. Tu obéis ainsi au shaitan. Et malheureusement, tu as annulé ta bonne œuvre. Subhanallah. Si tu as donné, c'est une sadaqa. Et sadaqa, c'est une des meilleures actions aimées chez Allah. Et malheureusement, en faisant cela, tu annules ta bonne œuvre. Subhanallah. Donc, il faut craindre Allah, il faut se corriger. Et probablement, c'est un péché qui est beaucoup ignoré, qui est fait. Yani, la bonne opinion qu'on a des musulmans, c'est qu'ils font ce péché-là, mais ils n'en connaissent pas la gravité. Ainsi, j'espère en Allah Azza wa Jalla avoir yani, participé à ce conseil. Yani, à faire connaître la gravité de ce péché afin qu'on se corrige, afin qu'on s'en éloigne. Celui qui n'est pas tombé dedans, alhamdoulilah, il remercie Allah Azza wa Jalla et s'en éloigne encore plus. Et celui qui était dedans, il se repent, il demande pardon. Hada wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-mannan al-bar al-rahim al-shakur subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je n'oublie pas d'invoquer en faveur de la famille de notre frère Karim, un frère qui était en cours chez nous, qui est dans une épreuve. Wallahu rahim, wa alimun hakim, mais Allah est savant, bienfaisant et sage. Naam, sa fille Asiya, hafidha Allah, wa shafah Allah, est éprouvée. En effet, de l'huile bouillante est tombée sur ses pieds. Naam, de l'huile bouillante est tombée sur ses pieds. Donc on demande à Allah Azza wa Jal pour notre fille Asiya Ashifa. On demande à Allah Azza wa Jal de panser les plaies de sa mère, yani la douleur de sa mère, de son père, de ses proches. Et on demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder un prompt rétablissement. Allahumma ya hayy ya qayyum anta shafi la shifa illa shifa'uk. Fallahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder la guérison et d'accorder l'endurance à ses parents et à ses proches. Et on a la certitude en Allah Azza wa Jal que sa santé va s'améliorer et que sa peau va repousser et qu'Allah Azza wa Jal, El Jamil, lui accordera El Jamal. On demande à Allah Azza wa Jal, le détenteur de la beauté absolue, de la soigner et de lui accorder la beauté dans son cœur, dans ses membres. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.